Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le Rockford Show spécial Noël, spécial best-of CD numéro 1. Et la semaine prochaine, vous aurez le numéro 2. Ouais, super, oui, extraordinaire. Bonsoir, ma chère Jen. Bonsoir. Bonsoir, mon cher Tom. Salut. Ouais, et il a pas allumé son micro, mais il vous a dit salut. Et puis, désolé pour les petits problèmes techniques, mais c'est des choses qui arrivent, comme les trains qui partent, hein, d'ailleurs, ma chère Jen. Pardon ? Oui, voilà. C'est des voilà, choses qui arrivent, voilà. Les trains qui partent. Ah, oui, hein, oui, bah oui, voilà, oui. Là, ça a eu un problème à l'allumage. Mais bon, on est là, on est parmi vous. Et on s'excuse auprès de nos auditeurs sur Radio Biz, parce que ce soir, vous n'écoutez que Radio Biz, étant donné que R Radio est en rideau. Et ils sont en maintenance, je sais pas, ils sont partis fêter Noël avant nous, hein, ça doit être ça. Je pense que c'est tout ça, oui. En tout cas, nous, on est là. Ah, Jen, ton micro, oui, il marche pas. Je parle dedans, voilà. Dans ton micro. Mais oui. Alors, on a écouté en ouverture d'émission, c'était Kim McAlife de Girls' School, paix à son âme, puisqu'elle elle nous a quittés, hein, il y a quelques années. Elle a trépassé. Voilà, et c'était Merry Xmas Everybody. Oui. Youhou. C'est pas encore, mais... Non, mais c'est... C'est dans deux jours. C'est dans deux jours, hein. Noël, c'est dans deux jours. Donc, comme on vous dit, là, on a chopé les rênes. On leur a fait la misère, comme c'est la 69e émission, on s'est dit on va là. C'est un terrain glissant. Cette émission risque de terminer en tête à queue, je pense. Voilà, c'est ça. Donc faites bien attention. Et je vais filmer. Tu vas filmer ? Oh, attends. Super. Je ne m'entends plus dans le micro, donc je ne sais pas si je passe dans le micro. Bah, je parle bien dans le micro, je suis en phase. Voilà, là je m'entends. Merci, mon cher Tom. Merci. C'est comme ceux qui chantent et qui ne savent pas parler dans la Attends, je parle en face, je ne veux pas être plus en face. En plus, t'as un casque sur les oreilles, contrairement à d'autres. Mais c'est pour ça que je te dis que je m'entends pas. Bon, nous allons donc partir sur une émission spéciale best-of. Alors, surtout, ne pensez pas que tout ce qu'on va vous passer, on l'a pris dans un ordre chronologique. Absolument pas. C'est dans un ordre, on n'a pas trouvé d'ordre chronologique parce que tout nous a plu. Parce qu'on s'en fout et que voilà. Et voilà. Et on s'est dit, ce serait stupide cette année, et même les autres années d'ailleurs, c'est stupide de dire que ce groupe-là est meilleur qu'un autre ou tout ça. Mais par contre, ce sont des choix, des groupes qui nous ont plu tout au long de l'année. Et ce que vous entendez en fond sonore, c'est Bad Actan, un groupe canadien qui chante en français et que l'on a adoré sur un album éponyme qui s'appelle Bad Actan. Et le morceau que vous écoutez s'appelle Ici. Ici, c'est chez eux, c'est chez nous, c'est partout. Mais c'est partout où ils se trouvent, c'est en dire ici. Voilà, et j'adore ce groupe. Ils sont super agréables, super sympas. Et l'album est sorti le 20 mai 2016. Et c'était un album donc éponyme du nom de Bad Actan. Alors ça s'écrit B-O-D-H apostrophe Actan, A-K-T-A-N. Et voilà, le groupe, il y a quelques années d'existence, ils ont tourné avec Soldat Louis, ils ont invité des gens de Matmata. Enfin bref, voilà, c'est le rock un peu celtique du Canada et on les remercie parce qu'ils sont vraiment très très très agréables et très fun. Et je trouvais que c'était sympa pour commencer cette émission de leur rendre hommage, surtout que l'album est vraiment excellent. Nous allons continuer ensuite avec des albums qu'on a trouvé sympas cette année. Et on va commencer avec les Thrashers de Metal Church qui nous reviennent avec un nouvel album qui s'appelle 11. Donc je pense que ça doit être leur 11e album solo, studio. Bah, probablement. Hein ? Le morceau qu'on a choisi, ma chère Jen ? Killing You Time. Exactement, c'est sorti chez Nuclear Blast au mois de mars, le 25 mars exactement. Le groupe existe depuis 1980. Ils nous viennent des États-Unis, d'Aberdeen, dans le comté de Washington. Voilà, dans l'état de Washington, plus exactement. Et cet album est sympa, puisqu'ils sont revenus avec leur deuxième chanteur, et, puisque le premier est décédé, de Monsieur Wayne. C'est des choses qui arrivent. C'est, ouais. Et voilà, donc moi j'ai trouvé l'album très très bien. Et puis à l'époque, j'étais parti les voir sur une croisière à Miami. À l'époque. Ouais, à l'époque. Ça remonte à bientôt un an, hein, c'était au mois de février. Ouais. Le 22 février, je crois. Et ma foi, moi j'ai bien aimé cet album de Metal Church. On enchaînera ensuite avec Desert Mountain Tribe, ma chère Jen. Tout à fait, donc ça c'est mon choix. Alors si tu bouges la table en même temps que je parle, ça risque d'être compliqué parce que je vais avaler mon micro. Surtout qu'il ne te suit pas là, c'est plutôt qu'il voilà, s'espace voilà, de toi. C'est donc, tu moi qui pas dois suivre le micro en fait. Ouais. Bon bref. Desert Mountain Tribe, oui tout à fait, j'ai bien aimé. L'album c'est Ever That or The Moon. Déjà il y a la lune dedans. Vous verrez de toute façon les morceaux que j'ai choisis, il y a la lune, il y a le côté sauvage et il y a le feu. Voilà, j'en dis pas plus, vous découvrirez au fil de l'émission. Ouais, c'est mon côté sauvage. Bref, donc cet album est sorti en mars 2016 chez Membrane Entertainment. Le titre qu'on a choisi, c'est Take a Ride. Et voilà, ils nous viennent d'Allemagne et notamment de... Bah plutôt, en fait, ils se sont formés à Londres, d'après l'histoire. Et quand on regarde un peu leur historique, d'ailleurs, leur origine, ça va de Londres à Cologne, en voilà. Allemagne. Donc bon, faut comprendre, je sais pas trop... Tu crois qu'ils sont bons ? Je sais pas. L'autre Cologne ? L'autre Cologne, ouais. je ne sais pas, j'ai pas été lerniflée concrètement, mais voilà, j'aime bien ce qu'ils font. Bon, on essaye de rester avec le même humour que d'habitude. Oui, bien. Bien, les cotillons pou, tout pète, pou. Super. Merci, Tom. On enchaînera avec un groupe. C'est Noël, on a investi dans le budget. Dans les bruitages. Les effets sonores. Ouais, les effets sonores, les effets spéciaux. On a eu des beaux effets spéciaux en début d'émission. Et maintenant, on continue, c'est génial. Donc, Ups of Freedom, ce sera le prochain choix de la rédaction. C'était un choix de Tom ? T'es sûr que c'est un choix? Non, je sais pas. Je ne suis pas sûr. Pas sûr. Donc, Ups of Freedom, c'est sorti chez Brennus, bien évidemment, en janvier 2016. L'album s'appelle Burning Skyfall. Et le titre que l'on va écouter, ma chère Jen, Earth in Unison. Exactement. Le groupe s'est formé en 2007 et ils nous viennent de Normandie, de Rouen. Ouais. Hein. Bah tu vois, je connaissais pas, pourtant j'y ai vécu à Rouen. C'est sympa, je crois, hein, si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est une chanteuse. Ah merde, ouais. Mes condoléances. Je savais qu'il fallait que je t'en parle quand même un petit peu. Voilà. On va écouter, voir si c'est vraiment okay. Une chanteuse. En tout cas, l'album, il me semble que c'était un de tes choix, hein, mon cher Tom. Mais bon. Parce que moi, ça me dit rien du tout. Moi ouais. Non plus. Enfin, si, moi, je connais le groupe, hein, bien évidemment. En mais même temps, semble, voilà, c'est ça de préparer les émissions en avance, c'est qu'on voilà. Se souvient plus de ce qu'on a choisi. Mais après, une chose, c'est possible. Maintenant, j'en ai pas. Non, mais Brinus, j'en ai pas choisi beaucoup et je crois que c'est un de tes choix. Il me semble que c'est oui, un de tes choix. Ça doit être ça. On mais moi, après, c'est pas des coups de cœur. Comme vous, oui, parce que toi, t'as pas d'une culture très métal. J'ai pas de culture très métal, non, du tout. Mais j'ai une culture très métal française. Bah écoute, on donne un avis après. Non, après on le pardonne quand même. Ouais, d'où mon choix qu'on aura la semaine prochaine. J'ai beaucoup ah bah, on dit rien. Non, j'ai mis de la scène française. Voilà, c'est bien. Mais là, c'est aussi de la scène française. Ups of Freedom, c'est un groupe français. Mais qui chante en anglais. Voilà. Allez, on envoie tout de suite donc Metal Church, ce sera suivi de... Desert Mountain Tribe. Et on finira avec Ups of Freedom. Freedom. Down. I know what's in retour dans le Rockfort Show tous les jeudis soirs de 19h30 à 21h30. Vous êtes en direct avec Jen, Tom et Phil pour vous présenter ce best-of des CD 2016 par The When. Ouais, super, c'est la teuf. Et ce que vous entendez en fond sonore, le groupe s'appelle Twilight Force. Je pense qu'ils sont allemands, oui, il me semble. Hein. C'était un très bon album, très bonne surprise. De cette année 2016, ils ont sorti un album qui s'appelle Heroes of Mighty Magic, sorti chez Nuclear Blast en août 2016. Nous avons écouté Metal Church juste avant. Desert Mountain Tribe. Et Up of Freedom. Voilà, donc c'était le choix de la rédaction, un des premiers choix de la rédaction pour cette année 2016. Et nous allons enchaîner sur les trois prochains choix. Et on va commencer par Devil's Kin avec une chanteuse cette fois-ci, hein, puisque comme vous avez vu, Ops of Freedom, il n'y a pas de chanteuse, hein, c'est un gars, je crois. Hein. Moi qui l'ai vu, une voix assez aiguë, mais non. Donc hein, voilà, c'est un mec. Donc, hein, ouais. Et donc Devil's Kin, alors là pour le coup, c'est vraiment une chanteuse. L'album s'appelle We Rise et le titre que je vous propose de découvrir s'appelle Vessel. Et c'est sorti chez Rodeo Star SPV le 20 février 2016. Ils nous viennent de Nouvelle-Zélande. Moi, j'ai carrément craqué sur la voix de la chanteuse, qui est une voix rock et rock. Et j'adore. Hein, le groupe s'est formé en 2010 et ils nous font du hard rock néo-zélandais. Donc, c'est vraiment... Voilà, c'est un groupe qui en a. Ma chère Jen, oui, là, ça va être mon ta révélation. Ouais, la révélation de l'année. Alors là, c'est la grosse claque du siècle, vu que, en plus, le soir où tu me faisais découvrir ce morceau... on annonçait le concert genre une semaine après et on a pu aller les voir. C'était et génial. Là la claque d'enfer que c'était. Concert au Petit Bain. Exactement. Et bon bref, Van Canto, donc tout a cappella, les powwow du métal. Non vraiment grosse claque avec l'album Voices of the Fire qui est sorti en mars 2016 chez Napalm Records. Et le titre qu'on a choisi, c'est We Are One. C'est du power mélodique, enfin si on ouais. Ouais, enfin du power a cappella, enfin ouais, du power voilà. Tout est a cappella, sauf la batterie. Oui. Tout le reste est a cappella. Mm. Ils se sont formés en 2006 en Allemagne et voilà. Et vraiment, pour ceux qui connaissent pas, je vous laisse découvrir. Mais à la base, ils se sont fait connaître avec des reprises a cappella metal. Et ensuite, ils ont créé leurs propres albums et j'ai trouvé ça vraiment fantastique. Maintenant, oui, ils sont leurs propres compositions, voilà, c'est vraiment top. Et une des versions qu'on avait vraiment adorées, c'était la reprise de Grave Digger. Oui, qui était vraiment excellente. Quoi. C'est génial. Et puis, ça s'y prête vraiment au chant un peu martial allemand. Donc, ils nous viennent de Mayence, pour ceux qui connaissent un peu l'Allemagne. C'est de la dynamite. C'est de la dynamite, comme ce que tu vas nous annoncer, mon cher... Tu veux faire des bisous? Tu veux faire des bisous qui ont des bisous explosifs, c'est ça que tu veux faire, hein, petit canaillou. Ouais, je vais pas faire un feu d'artifice comme certains endroits. Paix aux âmes, on en rigole. C'est au Mexique, hein. Oui, c'est au Mexique, ouais. Ouais, voilà. Paix à toutes les âmes qui sont disparues ces derniers temps. Donc, voilà, eux, ils nous viennent pas du Mexique. Hein. Non, Cassine Dynamite, pour être plus exact, qu'on va écouter. Kissing, avec un apostrophe. Hein. Ouais. Avec le titre Alat Zone, sorti tout droit de l'album Génération Goodbye chez AFM et en juillet 2016. Ouais, voilà. L'été sera chaud. Il a été chaud dans les t-shirts, dans les maillots. Et il a pété. Donc c'est du heavy metal et ça s'est formé en 2007. Et ils sont allemands. Bah, oui. En fait, on a deux groupes allemands, un groupe néo-zélandais. C'est voilà, ça c'est ça. Pour l'instant, l'Allemagne prédomine là pour l'instant. Oui, tout à fait. Donc, j'avais pas remarqué ça, mais c'est vrai que l'Allemagne prédomine dans notre best-of. Écoute, best-of. Ça tombe bien. Et moi, je fais un hommage, un petit hommage à Berlin. On fait un hommage. Mais un hommage à Berlin. Bon, puis moi, je vais vous laisser pendant ces titres et je vais me faire un gommage. Vas-y. Mais ici, pas à Berlin. Oui, de toute façon, là, tu peux aller à Berlin, à mon avis, s'il ne passe pas grand-chose. Allez, on commence avec Devil's Kin, on enchaîne avec... Van Canto. Et on termine avec... Kissing Dynamite Music. Poison. Oh, yeah. something on the wind. A voice that whispers a hidden song. Crashing waves, burning flames, earth and rock below. Let me sing their songs for you. They are one. Can you not hear it? Do not deny. It speaks to you, fills your heart, becomes your world, tells you one truth. Winds will change. Hush. Listen. Can you hear it? Winds will change. We'll be right back. Miles de retour dans les studios du Rock 4 Show pour cette émission Best of Part 1 2016, des CD qui nous ont marqués durant toute cette année. Qui s'écoule parce qu'elle n'est pas finie cette année, hein. Encore 15 petits jours, même pas une semaine. Ouais, une semaine. Bah, vivement qu'elle se termine. Hein. Désolé, hein. C'est marrant, mais j'ai l'impression d'entendre ça tous les ans. Jingle bells. Non, mais alors, dans l'ensemble, cette année, ça a été vraiment cool. Plein de rebondissements, ouais. Tout ça. Mais alors là, depuis hier soir, j'ai juste envie de. Ouais, moi, ça fait déjà un bon petit mois hein, que ça. Voilà. On est dans la préparation du Paris Metal France Festival et je dois vous dire que la fatigue commence à se faire grandement sentir. Et d'ailleurs, on va en parler tout de suite du Paris Metal France Festival une fois qu'on aura débriefé. Donc, on a écouté Devil's Skin. Tout à fait, avec Van Canto. Et Cassine Dynamite. Cassine. Non, c'est pas Cassine. Où t'as vu qu'il y avait un A? C'est Kissing, non? Non, ce serait un Y. Kissing c'est Kyle. Dynamite. Non, c'est Kissing Dynamite. Comment veux-tu que les gens comprennent? Tu leur dis. Alors, ils vont aller chercher. Je voudrais un truc qui s'appelle Cassine. Bah non, c'est Kissing Dynamite. Dynamite. Tu vois, tu dis Dynamite, tout simplement, parce qu'il y a un Y. Donc, Dynamite. Yeah. D'accord? Ouais, ça pète, ouais. Hein? Quand début d'émission, ça pète. Voilà. Donc on vous l'a dit, hein, ce que l'on entend en fond sonore, c'est White Miles, un album qui nous a un petit peu marqué. Il s'est sorti le 1er avril. Pourtant, c'était pas un poisson. Non. Non. Non. Hein? Alors ce morceau-là est chouette. Ouais, mais t'as pas tout aimé. J'ai pas tout aimé. Voilà. C'est sorti chez Long Branch Records. Le titre que l'on écoute, c'est Sickly Nerves, est tiré de leur album The Duel. Et d'ailleurs, sur la pochette, on voit deux têtes qui s'affrontent comme ça. D'ailleurs, c'est un duo hein, à la base. Ils sont autrichiens. C'est bien, ça change un petit peu des Allemands. C'est très proche. Et ils font, entre guillemets, un espèce de rock stoner. Enfin bon, bah, c'est un beau mélange. Moi, j'aime bien. On va enchaîner avec des Français qui seront présents au Paris Metal France Festival. Ils les chouchous. Nos chouchous, oui, qui joueront le samedi. Le samedi 7, hein, des chouchous Schwelliger. Je crois, oui, ils joueront sur la petite scène. Ils joueront sur la Rockford Stage. Oui. Hein. Ne les ratez pas, parce que je crois qu'ils seront pas mal placés. Hein. Oui, ils sont assez haut dans l'affiche de du festival. Hein. Donc, nous, on a adoré cet album qui s'appelle Veuve Noire. Ils étaient venus ici pour en parler. On avait grandement apprécié. Tout à fait, on s'est fait un petit show sur le balcon. Ouais. Juste une question, oui. Phil, par rapport au Paris Metal France Festival. Oui. Donc tu parles, comme on sait tous, il y a une petite scène et une grande scène. Une petite scène qui contient à peu près 800 personnes. Non, la petite, elle contient. Non, la grande scène. La grande scène contient à peu près 800 personnes. Ouais, c'est ça. Donc tout le monde peut pas aller dans la petite. Non. Alors, est-ce que, par exemple, il y a un groupe qui passe sur la grande scène que je veux pas voir. Mais par contre, je veux voir le petit groupe qui va passer sur la petite scène. Tu te dépêches d'aller dans la petite scène. Oui, mais je veux pas aller voir le grand, je m'en fous. Est-ce que je peux rester dans la petite et avoir ma place sûre? Bien sûr. Ou vous allez fermer la salle le temps de faire les balances? Non, les balances sont ouvertes à tout le monde. Si les gens veulent voir les balances, ils peuvent voir les balances. Et comme ça, ils sont sûrs d'avoir leur place. Comme un festival. Comme ça, ils sont sûrs d'avoir leur place. Oui. Il y a des festivals qui ferment les salles. Moi, je connais un festival. Non, nous, on ferme pas. On laisse ouvert. Pour ne pas le citer, les primeurs de Massy qui sont. Qui ont lieu au. Pour ne pas le citer, alors. Voilà, et ils ferment la salle. Voilà. Non, nous, on laisse ouvert. Les gens pourront aller se placer. S'ils veulent absolument pas rater un groupe de la scène plus petite, du club, hein, parce qu'on l'appelle le club, c'est la Rockford Stage, ils pourront donc aller vaquer. Hein. On vous rappelle que c'est 1 rue Aragon, au plan Harris-Orangis. Louis Aragon, au plan Harris-Orangis. Quand vous sortez du RER, c'est en face, tout de suite en face. Donc vous n'utilisez pas votre GPS piéton parce qu'il va vous faire aller dans Harris-Orangis même. Donc c'est pas la peine. Non. Vous traversez le parking et vous arrivez directement à la salle. Et voilà. Là, l'arrêt du RER, c'est pas Harris-Orangis. Non, c'est Orangis, Bois de l'Épine. Voilà, c'est ça. Hein, autant le préciser. Voilà, Bois de l'Épine. Bois de l'Épine, j'espère que vous avez tous entendu. C'est Bois de l'Épine, l'arrêt pour venir au plan Harris-Orangis. Le morceau de Schwelliger dans une émission qui est la 69e de Rock for Show ne pouvait être autre que Luxure. Je sais pas, on a choisi que c'était comme ça. Et c'est sorti chez Brennus le 28 mai 2016. C'est le troisième album du groupe. Le groupe s'est formé en 2000 à Châlons en Champagne. Allez, on fait péter les bouchons. Et c'est du heavy metal et c'est excellent. Schwelliger. On enchaînera avec une charmante jeune femme. Tout à fait, qui est née le 21 juillet 1962. Ça vous avance, hein? Ouais. Elle nous vient du Canada, de l'Ontario plus exactement. Elle a formé son groupe en 1982. C'est la chanteuse, d'ailleurs, le nom de son groupe. Lee Aaron, avec son album qui est sorti en mars 2016 chez Big Sister Records, Fire and Gasoline. Et le titre que j'ai choisi, c'est Bad Boyfriend. Voilà, excellent titre, excellent album. Elle revient aux sources, en fait, en refaisant un peu de hard rock, de rock et un petit mélange de blues. Mais parce que ça lui va bien et elle a la voix pour. Et voilà. Enfin, moi, je suis juste fan. Voilà, elle a fait des errances dans le jazz rock, puisque les albums étaient très bien aussi. Mais bon, voilà, c'était pas pour le public métal. Mais elle revient au public d'origine. Et voilà, on est très, très, très content d'avoir accueilli Lee Aaron en 2016. Merci, madame. Nous continuerons avec un groupe qui nous vient d'où, mon cher Tom ? Il vient des États-Unis, formé en 91 en Caroline du Nord. Donc, c'est pas un tout jeune groupe, ça s'appelle Sorven. On va dire ça comme ça ou pas, oui, Phil ? Oui, c'est ça. Voilà. Ils feraient du sludge metal. Alors, qu'est-ce qu'on appelle du sludge metal, Phil ? Exactement. Alors, c'est du metal, mais un peu alambiqué, un peu. Sous-marin, on va dire. Tu sens, voilà. Tu sens qu'ils sont perchés. Enfin, voilà. Ils sont perchés sous la mer, eux. c'est un peu ça. Non, mais, c'est pour éteindre le feu que j'allume depuis tout à l'heure. De toute façon, je pense que c'est le metal qui te parle à toi, plus que peut-être à nous. Hein, le sludge metal, puisque c'est quelque chose d'assez planant, d'assez, tu vois, mélodique. Ce que je veux dire ? Oui, c'est mélodique, bien évidemment. Mais c'est à part, c'est à part. Donc cet album est sorti le 8 mars 2016, donc en tout début d'année. Avril, chérie. Avril, excuse-moi, chez Metal Blade, voilà. Pour ne dire que ça, et le titre, ce sera Mermaids. Tiré de l'album ? Aquatique occulte. Donc tu vois, c'est pour ça que je disais que le sludge metal c'était un peu sous-marin. Un jeu de mots pourri. Bah oui, mais bon. Après, on dit moi. Non, mais tu vois, c'est aquatique occulte. Tout est dit là-dedans dans le sludge. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, faut pas chercher loin. Tu regardes les titres des albums ou les titres des morceaux. Bon là, Mermaid. Ouais, oui, si, il si, y a le mot mer dedans. Ça reste dans l'eau, hein, je veux dire. Ça reste une sirène quand même, la mermaid. Oui, oui. Hein, donc, Moi, je pense que si tu veux, c'est le terrain glissant qu'on cherchait pour l'émission 69. Toi, on reste dans le côté humide. N'empêche que le titre de l'album de Lee Aaron, c'est Fire and Gasoline, et là, le titre de Sorven, pardon, c'est Aquatique Occulte. Il y a un truc. Oui, on essaye d'éteindre le feu là. Je sais pas, il y a des choses qui se passent avec les titres qu'on a choisis. 69, voilà, ouais. Enfin, c'est un peu. Année érotique. Hein. Voilà, c'est voilà. Peu, donc on va dire que c'est émission érotique. C'est un peu ambigu tout ça. Voilà, c'est une émission. Ça part un peu en tête à queue quoi. En fait, il y a une auditrice qui a marqué, une ancienne du Rock for Show d'ailleurs, je la salue bien, bien bas, qui a marqué c'est l'émission la plus sexy ce soir. Hey. Ah, tu vois, hein, alors je vais prendre ma voix suave. Et si vous voulez envoyer un message à Phil, c'est au 06 81 01 28 34. Ouais, et puis nous, on vous souhaite joyeux Noël pour tous ceux qui réécouteront l'émission le soir de Noël. Oui, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui vont peut-être passer Noël tout seuls. Donc on vous propose cette émission pour que vous puissiez vous accompagner votre Noël en métal. Et on vous souhaite, faites gaffe quand même hein, au gastro. Ne mangez pas trop, mais amusez-vous surtout. C'est vraiment le leitmotiv de ce qu'on peut vous dire pour les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année. Amusez-vous. Musique, c'est parti. Petite tête. look at me. I'm just a girl who's had a lot of bad boyfriends. I love my bubble and my pay TV. It's much easier to blame you for everything than ever look at me. Oh, oh, oh, than ever look at me. I said, oh, oh, oh, than ever look at me. Dans les studios, vous êtes toujours à l'écoute du Rock for Show spécial best of des CD que nous avons écoutés tout au long de l'année 2016. Ce que vous entendez en fond sonore, le groupe se nomme Tremonti, c'est monsieur Marc Tremonti qui nous a sorti un album de heavy mélodique. Il est américain, bien évidemment, il nous vient de Detroit et son album s'appelle Dust. C'est sorti chez Fret 12 le 29 avril 2016. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Il est américain, bien entendu, hein, c'est tout. Voilà. Et puis son projet, il l'a formé en 2008. Ma foi, c'est vachement bien, puissant, c'est... Voilà, on a bien aimé. C'est pas tout chaud, quoi. Comment? C'est pas tout chaud. Non. Pourquoi tu me dis ça? Vas-y. Parce que chaud, de derrière. Oh là là, ouais, mais non, ouais, d'accord, ok, donc tu veux débriefer toi, tu bah veux oui. débriefer, donc oui. on débriefe oui. avec ce que l'on a écouté tout à l'heure, c'est-à-dire Scholager, on a enchaîné avec Lee Aaron, et on a terminé avec du sludge. Du sludge. Avec Surveille. Voilà, avec Surveille. nous allons donc continuer cette épopée à travers les choses qui nous ont marquées, et un groupe qu'on a reçu il n'y a pas très longtemps, hein, puisque c'était au mois de décembre, ou novembre. Magoa. C'était il y a 3 semaines. Il y a 3 semaines. Le groupe s'appelle Magoa, ils sont français. Non, c'était il y a un mois. Il y a un mois. J'étais pas là. Ouais, non, je pense c'était qu'il y a peut-être un peu plus d'un mois. Il y a un peu plus d'un mois, ouais, je pense. Magoa qui nous a sorti un excellentissime album, Imperial. Le titre qu'on vous diffuse ce soir s'appelle Kill Us, qu'on avait déjà diffusé dans le Rock for Show. L'album est sorti le 14 octobre chez 10 to 1 Record. C'est leur troisième album. Et ils nous viennent toujours hein, de Paris. Ils se sont formés en 2005 et ils font dans le style, ouais, on va dire metalcore. Mais enfin, c'est quelque chose d'assez death mélodique. Moi, j'aime beaucoup cet album en particulier, que je trouve vraiment très abouti. Et voilà, on aurait pu avoir ce groupe au Paris Metal France Festival numéro 6. D'ailleurs, s'il y a une annulation, bah, on prendra ce groupe-là dans le vendredi. parce que après sinon ça va pas coller avec les autres journées. Mais si on a une annulation de dernière minute le vendredi, eh bien nous ferons appel à Magoa s'ils sont disponibles pour venir jouer et vous ravir les oreilles, le conduit auditif. On enchaînera ensuite avec quelque chose de plus cool. De plus cool, voilà. Joan Shaw Taylor. Ouais, j'ai choisi le titre Dying to Know, qui me parle beaucoup en fait. Et c'est tiré de l'album Wild qui est sorti le 30 septembre 2016 chez Axe House Music. Voilà, donc c'est une c'est du blues rock qui nous vient d'Angleterre. C'est une guitariste chanteuse née en 1986. Elle est toute jeune. Elle est toute jeune. Mais oui, mais j'adore ce qu'elle fait, j'adore sa voix et voilà. Toute jeune et déjà mature dans son art, ouais, du chant et de la guitare. Elle a 30 ans, hein, donc ouais. Vraiment bien. Vraiment, moi j'ai craqué aussi sur cet album. Il y avait un autre groupe qu'on avait reçu en même temps qui s'appelait Saté et où on avait dit Monts et Merveilles, et mais j'ai plus craqué sur Joan Shaw Taylor, et franchement c'est un choix commun, on peut dire, de la rédaction que ce groupe, que cette chanteuse guitariste. Ensuite, nous avons notre cher Tom qui nous a choisi un vieux de la vieille, hein, puisque c'est pas tout récent. Mais c'est dans les meilleurs pots. Enfin, les vieux qu'on fait les voilà, plus vieilles soupes. Non, confiture. Les confitures, d'accord. Ah oui, là, il est bien confit, là. Dis tout de suite que c'est de la soupe. Non, c'est du heavy. Ça s'appelle The Nugs. En tout cas, le titre que tu vas nous passer, c'est du heavy. Resonate. Non, ça c'est le titre de l'album. Oui, Resonate, oui, voilà. Heavy, extrait, le titre est Resonate, extrait de l'album sorti en octobre 2016 chez Frontiers. Voilà. C'est du hard rock, une carrière qui commence en 1978 au nom de Glenn Hughes en solo. Hein. Voilà. Parce qu'il a quand même joué avec Whitesnake, Deep Purple, je sais plus. Non, Whitesnake peut-être pas, mais Deep Purple, ouais. Black Sabbath également. Il a fait deux albums, je crois, si mes souvenirs sont bons. Enfin bref, un grand, grand, grand, grand chanteur émérite. Donc bravo pour ce choix. Et il est anglais. Il est anglais, donc merci pour ce choix. Parce que c'est vrai que moi, l'album est passé un petit peu... Bah, il est arrivé sur le tard, un petit peu inaperçu. Et il est passé, je crois que... Je ne sais pas si le concert n'a pas été annulé à Paris. Je ne sais plus, il me semble que le concert de Glenn Hughes avait été annulé. Je ne sais plus, je raconte peut-être des bêtises, mais il me semble. Et ma foi, ça fait plaisir d'entendre une si belle voix d'un grand maestro dans le Rock for Show. Donc on va commencer avec Magoa, on enchaîne avec Joan Shaw Taylor. Et on termine avec Glenn Hughes Music. We'll be right back.

makes his way on his own. Don't need no kind of direction from no one. I got myself a pretty old soul. Ain't nobody gonna tell me how to live. Comme ça sent bon, ça! Et en plus, c'est canadien! Le groupe s'appelle Monster Truck et vous êtes toujours à l'écoute du Rock Folk Show. Tous les jeudis soirs de 19h30 à 21h30 sur Radio Biz et Air Radio. Ce soir, Air Radio, c'est rapé. Hein. Mais je pense, en podcast, ça passera. Voilà. Qu'est-ce que l'on a écouté? On a commencé avec Magoa. On a enchaîné avec Joe Taylor. Et on a terminé avec Glenn Hughes. Glenn Hughes, effectivement. Et ça s'enchaîne bien, moi, je trouve, avec Monster Truck. Monster Truck qui nous a sorti un magnifique album qui s'appelle Sit In Heavy. Tu vois, comme quoi tout est lié. Heavy de Glenn Hughes et Sit In Heavy. C'est sorti chez qui, ça, ma chère Jane? Mascotte Records. Mascotte Records, tu sais, on en parlait comme quoi c'était un excellentissime label. Et bah voilà, c'est encore confirmé. C'est sorti le 19 février 2016. Ils nous font du hard rock, bien entendu. Ils nous viennent de l'Ontario, un peu comme Lyon. Hein. Et le groupe s'est formé en 2009, excusez-moi. Donc voilà, du rock'n'roll, bien comme il faut, bien comme on aime. Et maintenant, nous allons reparler des groupes du Paris Metal France Festival. Donc on vous le rappelle, c'est le 6, le 7, le 8 janvier 2017. Donc ça approche, hein, ça approche. Si vous voulez vos places, commandez-les vite au Papa Noël. Hein, sinon, vous allez sur Big Cartel, .pmff, je crois. PMFF-6, si mes souvenirs sont bons. En tout cas, vous allez sur le Facebook Paris Metal France Festival. Et, ou alors, vous allez sur PMFF. Et là, normalement, vous trouverez toutes les indications. Donc, nous allons partir avec un groupe que l'on a adoré, qui jouera au Paris Metal France Festival le 7, le samedi 7. Et c'est eux qui clôtureront la journée du 7. Donc, ils joueront sur l'ultime stage. Le groupe s'appelle Boisson Divine. On avait bien apprécié leur venue, mon cher Tom. Ah, je m'en souviens encore. Ah. Comme si c'était hier. Bon, dommage qu'ils étaient tout seuls. Ouais. Parce que c'est un groupe qui vient de loin. Mmh. Et ils sont du sud de Pau, si je ne me trompe pas, ça. De Tarbes ou de Pau? Non, de je ne sais plus où exactement. Du Pays d'Oc. De Ramonville. Donc c'est à côté de Toulouse, ça, Ramonville. Ouais, ouais, il me semble, du, ça du Pays d'Oc, on va dire. De l'Occitanie, pour être plus exact. Et ils chantent en gascon. Voilà. Hein, donc ça, c'est l'originalité de la chose. Et donc tous les textes tirés de Volentat, leur dernier album, sont marqués en gascon, et je crois qu'il y a une traduction, si je me souviens bien, qu'ils avaient mis sur leur site. Oui, fait à ta demande. Non, oui, bah oui, puisque c'est intéressant quand même qu'on connaisse un petit peu ce qu'il y a dans les textes. Et le titre que l'on va écouter ce soir, c'est Sepera. C'est sorti donc le 21 mars 2016 chez Brennus, encore un label français, 100% français. Ils nous font du folk metal et ils se sont formés en 2005. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce qu'on peut dire. Et je crois qu'ils ont deux albums, à ma connaissance. Et les deux albums sont vraiment excellents. On avait déjà craqué sur le premier album, mais alors le deuxième, vraiment top de chez top. On enchaînera encore avec un groupe français qui sera au Paris Metal France Festival. C'était un peu une reformation. Eux, ils joueront par contre le dimanche 8. Le groupe s'appelle Face to Face. Voilà, c'est un groupe qui s'est formé en 1990. Rappelez-vous, à l'époque, il y avait Farid Medjan, Fabien Gievrez et je ne sais plus qui d'autre. Mais bon, c'était un groupe qui a fait les belles heures des années 90 dans un style un peu, enfin même pas un peu, heavy hard rock. Le titre de l'album s'appelle After the Storm. Le titre que je vous ai choisi pour ce soir s'appelle After the Storm. The Storm, excusez-moi, c'est le titre éponyme. Ça sort chez Brennus. Ah ah, quand je vous ai dit que le label Brennus était très présent. C'est sorti le 30 septembre 2016. Ils sont donc français. Ils viennent de la région parisienne, mais maintenant ils sont un petit peu tous éparpillés en France. Et puis surtout, je voudrais faire un petit clin d'œil et un petit coucou à Michel, hein, qui a eu quelques petits déboires, à Mitch, qui s'occupe de Face to Face et qui a eu quelques déboires cette semaine, et il sait pourquoi je pense à lui. Voilà. Et enfin, on finira avec ma chère Mirat, tout à fait, qui viennent de Tunisie. A priori, il y en a certains qui vivent en France quand même. Mais... bref, et donc j'ai choisi. Leur album est sorti en février 2016. Il a cartonné tout de suite avec leur nouveau clip. Et moi, j'ai choisi le titre Believer, tiré de l'album Legacy, qui est donc sorti en février. Et c'est sorti chez... Alors, j'ai trouvé deux labels, je ne sais pas lequel est-ce. Alors, le c'est distributeur soit... doit être V-Record. Et Nightmare Record, voilà. Voilà, ça, ça doit être le label. Parce que du coup, j'avais un petit tout. En tout cas, j'ai bien accroché, j'adore Mirat. Que ce soit humainement parlant ou leur musique. Et pourtant, je suis pas très extrême. Mais C'est du métal progressif quand même. Ouais, avec des voix, mais... Oui, voilà. Avec des voix un petit peu extrêmes de temps exactement, en temps. Exactement, exactement. Mais ouais, j'aime bien. Et ils se sont formés en 2006. Voilà. Hein ? Eh bien, on vous laisse en musique. On se retrouve tout de suite après pour quasiment la fin de cette émission. Donc, on enchaîne tout de suite Boisson Divine, Face to Face et Emirat. Musique. Nous étions vivants, dans les gens. De retour dans les studios du Rock for Show, dans cette émission spéciale Best of des CD 2016 que nous avons apprécié, aimé et que nous avons peut-être aussi adoré ou qui nous ont interloqué, ma chère Jen. Oui, tout à fait. Et nous entendons en fond sonore un groupe qui était venu aussi également nous voir avec Emmanuel, Manu. Le groupe s'appelle Warm Food. Il n'était pas tout seul, je ne me souviens plus de son bassiste. Oui. Et puis il était venu pour nous présenter aussi, parce qu'il cherchait un casting pour un clip. Le clip depuis est sorti, la vidéo est sortie, et vous pouvez la voir sur Facebook un peu partout. Voilà, l'album qu'ils ont sorti s'appelle L'Envers, hein. Et puis voilà, ça nous avait bien plu. C'est sorti chez Apatia Records. C'était en mai 2016. Ouais. Mai 2016, voilà. Et le groupe s'est formé en 2001, Odyssée de l'espace. À chaque fois, je le sors, mais c'est comme ça, j'ai envie. Et ils nous font du death prog. Enfin, ça, c'est ce qui est marqué dans la bio, mais bon, j'y crois pas trop. Nous avons donc écouté Boisson Divine, qui clôtureront le Paris Metal France Festival le samedi soir, en fête. Nous avons enchaîné avec Face to Face, qui seront eux à l'affiche du dimanche du Paris Metal France Festival, le dimanche 8. Et nous avons clôturé avec Mirage. Voilà, qui ne seront pas à l'affiche, désolé. Et nous allons continuer avec le reste, la dernière mouture, on va dire, hein, de ce best-of part 1, avec Nawater, encore des Tunisiens, comme Mirat. Hein, sauf que on avait un petit peu craqué. Alors il y a du chant féminin, du chant masculin, c'est death metal, c'est assez furieux. C'était sorti, enfin distribué par Emeo Music, et c'était sorti en janvier. Hein, en janvier. Le groupe s'est formé en 2013 et ils nous font un espèce de metal prog assez couillu et death un petit peu dans certaines voix. On enchaînera ensuite avec un groupe de Monsieur Tom. Ragdoll. Voilà, on est parti, on va très loin là, on va en Australie. On c'est va très bien aussi. Je kiffe l'Australie. Ouais, il fait chaud, il y a des kangourous. Ouais, il y a des koalas. Ah, des koalas aussi. Puis des serpents. On va chercher le soleil aussi, Shine, voilà. Et alors, c'est extrait de leur album Back to Zero, sorti en avril 2016 chez Bad Reputation. Et ils sont formés en 2010. Et ils nous font du. Australie, ACDC, Hard Rock. Voilà. Et on continuera dans le hard rock heavy avec Blackstone Cherry, les Américains, qui nous ont sorti aussi un bel album qui nous envoie directement dans leur pays natal, un petit peu comme Bon Jovi avec New Jersey, sauf que là c'est Blackstone Cherry avec Kentucky, et le titre que je vous propose de découvrir, ma chère Jen, Feeling Fuzzy. Exactement, sorti chez Mascot Records, l'excellent label. C'est sorti le 1er avril 2016. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? C'est tout. Non, ils se sont formés en 2001, encore une fois. Et ils nous font du hard rock. On vous laisse tout de suite donc avec Nawather, Ragdoll et Blackstone Cherry. Musique. longer stay. No more tears, no more pain, no more looks of disdain. To shine, shed my skin, lift the darkness from my eyes. No more tears to cry. Take it as a sign. De retour dans les studios pour dire au revoir à nos amis québécois et à tous ceux qui nous écoutent. On va vous souhaiter à tous un joyeux Noël, hein les enfants? Ben oui, joyeux Noël, désolé. Joyeux Noël à tous, et puis on se retrouve la semaine prochaine, hein, avec la partie 2 de ce best-of des CD 2016. Et puis, eh bien, on va débriefer quand même ce que l'on a entendu. C'était Nawazer, le premier titre, avec Time to Rise the Curtain, puisque je ne l'avais pas dit. Et l'album, c'était Wasted Years. Voilà. Ensuite, on a écouté Ragdoll et on a terminé avec Blackstone Cherry. Et nous, on va se quitter avec un dernier titre, puisqu'il s'agit de Destruction, mon cher Tom. Oui, Destruction. Destruction, tiré de leur album Under Attack, sorti chez Nuclear Blast. C'était quand? C'était il n'y a pas très longtemps. C'était quand? Je ne m'en rappelle plus. En tout cas, le groupe existe depuis 1982. Ils nous font du thrash metal. Le titre que je vous propose d'écouter, c'est Elegant Pigs. Et l'album était sorti donc le 13 mai 2016. Voilà, mais je crois que nous avons tout dit, ma chère Jen. On va vous souhaiter à tous aussi, ceux de l'équipe, Jen et Tom, je vais vous souhaiter un joyeux Noël. Bah, joyeux Noël à toi aussi. Joyeux Noël, Tom. Joyeux Noël, Phil. Et puis, joyeux Noël à tous nos auditeurs français, québécois, internationaux, hein. Et puis on va vous laisser en musique avec notre petite phrase habituelle avec Destruction. C'était rock. C'était fort. C'était chaud. C'était le Rock for Show. Salut.